Chapitre 23e. Bien que M. de Mussidan ne fût ni timide ni embarrassé, il n'avait pas voulu retourner chez Mademoiselle de Puylaurens. Il s'était contenté de faire connaître sa résolution à celle-ci par un mot aussi sec que possible. Il n'avait pas à la ménager, cette vieille coquine. À ce mot, Mademoiselle de Puylaurens avait répondu par une note d'affaires. Mademoiselle de Puylaurens s'engage, premièrement, à servir jusqu'au jour de sa mort une rente annuelle de 3 600 francs au profit de M. le comte de Mussidan, ladite rente payable par terme de 150 francs les premiers et 15 de chaque mois, en l'étude de maître Lejeunet de la Crochardière, notaire. Ces paiements n'auront lieu qu'aux mains de M. de Mussidan et sur sa signature donnée par lui en l'étude du notaire. Deuxièmement, à acquitter tous les 3 mois le terme du loyer de M. de Mussidan, à condition que ce loyer ne dépassera pas 1 000 francs par an et qu'il sera payé par les soins de maître Lejeunet de la Crochardière au propriétaire ou au concierge de la maison habitée par M. de Mussidan. Troisièmement, à acquitter jusqu'à concurrence de 10 000 francs les factures de meubles et d'objets mobiliers dont M. de Mussidan peut avoir besoin pour garnir l'appartement dont il est parlé dans le paragraphe précédent. Quatrièmement, enfin mettre à la disposition de M. de Mussidan une somme de 5 000 francs qu'il pourra toucher chez maître Lejeunet de la Crochardière le jour même de la célébration de son mariage à la mairie et sur le vu du bulletin de célébration. En lisant le premier paragraphe qui disait que les paiements de la rente annuelle se feraient en l'étude de maître Lejeunet de la Crochardière et contre reçu signé, M. de Mussidan avait agité avec colère le papier qu'il lisait. Au dernier paragraphe, sur le vu du bulletin de la célébration du mariage, il l'avait froissé dans ses mains crispées et l'avait jeté par terre. Le traiter ainsi, lui! Cette défiance n'était-elle pas la plus mortifiante des injures? Et cette parcimonie n'était-elle pas vraiment misérable? Un loyer de 1 000 francs, un mobilier de 10 000 francs. Il y avait là une intention si manifeste de le maintenir dans une médiocrité infâme que son indignation éclatait malgré lui. Quelle chute! Des 150 000 francs de rente sur lesquels il comptait à ce piètre arrangement. Cependant, après quelques instants d'abandon, il avait ramassé la note de Mademoiselle de Puylaurens et lentement, il s'était appliqué à la remettre en état. Cette vieille fille était folle, voilà tout, on ne se fâche pas avec les fous. Et comme les plis du papier ne voulaient pas s'effacer sous sa main, il l'avait placée entre les pages mouillées d'un livre sur lequel il avait entassé d'autres livres, presque toute la bibliothèque d'Angélique. Après tout, ce chiffon de papier valait plus de 4 000 francs de rente et un capital de 15 000 francs. Une fois qu'il avait pris une résolution, il l'exécutait coûte que coûte. Il s'était donc aussitôt occupé de réunir les pièces nécessaires à la célébration de son mariage. C'était un pas à sauter et il ne gagnerait rien à en retarder le moment. Plus tôt il serait marié, plus tôt il toucherait sa rente et son capital de 15 000 francs, plus tôt aussi il assurait à sa fille la fortune de Mademoiselle de Puylaurens. Et c'était là une considération qui avait son importance. Elle pouvait mourir, la vieille fée, mourir subitement. Alors Geneviève n'héritait pas et lui perdait la jouissance légale du revenu de cet héritage, 50 000 francs pendant 18 ans, près d'un million. Ce fut une cruelle humiliation que lui apportèrent les pièces relatives à la filiation de sa femme future. Angélique Godard, fille de François Godard, artiste musicien, et de Marie Blanc, lingère. Si encore elle avait eu des ancêtres, si petits qu'ils eussent été, mais non, un musicien, une lingère. Il avait dû s'occuper aussi de trouver un appartement. Mais dès là qu'il n'avait pas son hôtel de la rue Galilée et que son loyer ne devait pas dépasser 1 000 francs, que lui importait? Il en avait arrêté un au 5e étage d'une maison de la place d'Ancourt qui avait l'avantage d'offrir une belle vue sur Paris. « Vous auriez en face de bons voisins, lui avait dit le concierge, des musiciens. » Le père chef d'orchestre en province, la mère élevant 6 enfants, qui tous travaillent la musique, l'un le violon, une autre l'harpe, une autre le piano. Ils sont bien connus, les Guesswiller, des Alsaciens. Mais il ne connaissait pas ce nom-là. Il lui était bien indifférent que ces gens fussent ou ne fussent pas musiciens, pour les relations qu'il aurait avec eux. Le logement arrêté, il l'avait meublé, et contrairement à ce qui se fait ordinairement, il n'avait adressé qu'une seule recommandation au tapissier. Avant tout du goût, je ne tiens pas à la solidité. Si peu solide que fût ce mobilier, il durait toujours plus de 3 ans. La tante assurément serait morte, c'est-à-dire qu'on vendrait ce mobilier plus que modeste pour le remplacer par un autre digne de la situation que créerait cette mort. Quelque chose de beaucoup plus grave que tout cela pour lui, c'était le choix des témoins de son mariage. Pour les siens, il n'était pas embarrassé. Il prendrait des étrangers ayant de grands noms, sinon de grandes situations. Un Italien, le prince Mazzazzoli, et un Espagnol, le marquis d'Arlanzone, aide-de-camp d'un prince en disponibilité qu'une révolution avait envoyé en France, où il attendait qu'une révolution le rappelât en Espagne. Il n'avait pas rompu toutes les relations avec ces étrangers. Presque tous les jours, il rencontrait le prince Mazzazzoli aux Champs-Élysées et échangeait avec lui un salut ou un mot. De temps en temps, il allait chez le marquis d'Arlanzone. Ni l'un ni l'autre de ces étrangers ne connaissaient le vrai de sa situation. Ils ne pourraient pas refuser d'être ses témoins, et leurs noms, mis dans les journaux, avec leurs titres et l'énumération des ordres dont ils étaient décorés, produiraient bel effet. Mais pour les témoins de sa femme, de la comtesse, il n'en était pas ainsi. Il ne pouvait pas lui prendre ses témoins parmi les étrangers qu'il connaissait, et ceux qui étaient indiqués par la parenté ou les relations, ceux qu'elle voulait, un de ses oncles, professeur de musique à Lille, et M. Limonier, n'étaient vraiment pas des gens qu'on pouvait avouer. Un croque-note et mille amitiés en compagnie du prince Mazzazzoli et du marquis d'Arlanzone, la honte serait pour lui. Enfin, ne pouvant pas l'éviter, il s'efforça de l'atténuer au moins autant que possible. Et pour cela, il ne trouva rien de mieux que de noyer le croque-note et mille amitiés. S'il n'avait à sa table que ses quatre témoins, ceux de la comtesse occuperaient fatalement une certaine place. Au contraire, s'il avait un certain nombre de convives, il serait effacé. Sur les 5 000 francs que Mademoiselle de Puylaurens mettait à sa disposition pour son mariage, une grosse part fut attribuée au déjeuner qu'il offrit à la Maison Dorée, et à ce déjeuner, il invita 5 ou 6 autres étrangers qui valaient le prince Mazzazzoli et le marquis d'Arlanzone. Chaque nom nouveau était une inquiétude pour Angélique, qui voulut se marier discrètement, simplement, comme il convenait, croyait-elle, à une fille qui était dans sa position. Le prince Mazzazzoli, le marquis d'Arlanzone, c'était déjà terrible pour elle, mais le comte Banacker, le baron Kanitz, le comte Algardi, Don Cristobal de Yarritu, n'étaient-ils pas vraiment effrayants? Que dirait-elle à tous ces personnages? Quelle figure ferait-elle devant eux? Mais ce qui était plus effrayant encore, c'était la responsabilité dont il la chargeait. « Surtout, veillez à ce que votre oncle et M. Limonier ne lâchent pas de sottises, stylez-les et tâchez qu'ils ne parlent pas. » Pouvait-elle leur faire cette injure? Pouvait-elle leur dire de ne pas parler? Et puis elle avait encore un autre souci. Que ferait-elle de sa fille? À qui la confier? Heureusement, Mme Limonier lui vint en aide avec sa bonté habituelle. « Il vous faut quelqu'un pour garder Geneviève. Je suis sûr que vous n'osez la confier à personne, je resterai avec elle. » Quel soulagement pour elle! Elle en eut un autre. Quand elle parut devant son mari en robe de satin blanc, couverte de feuilles d'oranger, c'était lui qui avait commandé sa toilette de noces et lui avait imposé les fleurs d'oranger avec l'obstination d'un homme qui se croit au-dessus du ridicule. Il la trouva très bien et lui fit des compliments qui la rassurèrent un peu. À la mairie, ce fut M. de Mussidan qui eut des sujets de satisfaction. En lisant les noms des témoins, le greffier bredouilla ceux de Joseph Isidore Limonier et de Alexis Godard, tandis qu'il insista longuement sur ceux du prince Mazzazzoli et du marquis d'Arlanzone, les seuls qu'on entendit distinctement avec les titres et les décorations qui les accompagnaient. À table, les deux témoins de la comtesse se tinrent convenablement. Seul M. Limonier lâcha une bêtise, comme on lui offrait des fruits. « Merci, dit-il, je ne prends jamais de cruauté. » Mais il n'y eut que M. de Mussidan qui comprit. Les étrangers, si français qu'ils fussent devenus, n'étant guère en état de distinguer cruauté de crudité. Le déjeuner fut donc très gai, très animé, très bruyant, si bruyant même que d'honnêtes bourgeois qui occupaient un cabinet voisin se plaignirent de ne pas s'entendre parler. Ils étaient là pour une affaire et non pour leur plaisir. Parmi eux se trouvait le notaire Le Genet de la Crochardière. « Nos voisins ne pourraient-ils pas être moins bruyants ? » dit-il au maître d'hôtel. « Qui donc est là ? » ?»« C'est un grand seigneur, monsieur le comte de Mussidan. Il a commandé un déjeuner à 100 francs par tête. Il y a des extras. » Fin de la première partie.